êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. On s'endort, mais dans le bon sens, avec une autre comptine de Jasmine Raymond-Dréville. Et on parle de l'enjeu écouteur avec Anne-Julie Durocher. On a aussi la chronique de David Ferron, graine de pivot sur la culture francophone. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin et bienvenue à l'avant-dernière émission de la version quotidienne d'Assemblage requis. On est le mercredi 25 avril 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. Oui, il en reste juste une demain. Oui, exactement. Mais il reste celle d'aujourd'hui aussi. Oui, mais oui, pas fini. Hein? On capotera pas tout de suite, non, c'est ben ça. Non, ouais, non. Loin de ça. Ouais. Non, mais grosse émission comme avant-dernière, je trouve. En tout cas, les deux dernières vont être quand même assez chargées. Oui, oui, oui. Espérons-le tout le monde. Ben, supposé. Ça peut changer. Oui, les choses changent toujours ici. À 7h30, on aura Jasmine Raymond-Dréville et sa chronique Les Comptines de Jasmine. Elle nous présente Patrick Watson, son nouvel album aujourd'hui. OK. En tout cas, j'imagine que c'est un nouvel album, c'est ça? Oui, oui. On verra. Donc, c'est à 7h30. Fantastique. Vers les 8h, on va recevoir Anne-Julie Durocher qui va nous parler de la UQTR. Spectacle de fin d'année, en fait. Oui, qu'est-ce qui s'en vient exactement? Je pense qu'on va essayer de glisser un mot aussi sur l'Assemblée générale du groupe des médias étudiants dont C'est fou fait partie. Ça, c'est demain. Oui, ça, c'est, ça va se dérouler demain. Exact. On va essayer d'en glisser un mot. Et je crois qu'il y a un 24 heures d'études qui a lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, même. Oui, c'est ça, exact. Ben oui, tout à fait. Donc, on en parle à 8h. Ensuite, à 8h30, David Ferron qui nous parle d'un sujet, j'imagine, super intéressant de la francophonie. On ne sait pas, on ne l'a pas entendu cette semaine. Non, d'habitude, il nous en parle pas mal, mais pas cette fois. Actuellement, on est au courant deux semaines d'avance. Je me rappelle, il me l'a dit. Oh. Il me l'a dit, c'est Rita Mitsuko qui nous présente aujourd'hui. Ah, OK. En musique. Donc, en trois actes. Rita Mitsuko en trois actes avec David Ferron tout à l'heure à 8h30. En début de première heure, tantôt, on aura Sex Smith, ça devrait répondre là. Hein? Ça fait longtemps que je la remets à plus tard, celle-là. Eh bien, elle est excellente parce qu'elle est remplie de sujets le fun, de gadgets à s'acheter, à gaspiller son argent dessus, comme du parfum, du sambon au bacon. OK. Ça sent tout le temps le bacon. Hein? Pas pire, ça? Ouais. Tantôt. Mais pour l'instant, on débute avec une pièce qui, je trouve, débute très bien l'émission parce que c'est très, très, très, très, très, très relax. Bon, on aime ça même des fois. Ben oui, certainement. C'est très bon. Voici Dry the River et Weights and Measures. You've made your decision. Now get up and leave. The familiar sting of the woodcutter's swing to the tree. I'll fall in the forest to elbows and knees, and it won't make a sound since there's no one around here to see. I was prepared to love you and never expect anything of you. The spirit m'en prendront à mes pieds si je tombe. Et si je tombe, ferme tes yeux et prends mon cœur si tu veux. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. La pièce Mets mon cœur de Chantal Archambault à Assemblage Ricky, François. Chantal! Chanto! Ça faisait longtemps quand même qu'on n'a pas entendu Chantal. Chantal que j'aime bien, artiste francophone qui tire un peu sur le country. Un peu, mais pas trop pour que ça. Pas tant que ça. C'est juste agréable, en fait. Ça s'écoute très bien. C'est pas Lisa Leblanc, mettons. Non, vraiment pas. Mais Lisa Leblanc, écoute, contrairement à toi qui l'ai... Ouais, vraiment fort, ouais. Je la déteste pas tant que ça. Non, j'aime bien la personne. C'est pas une... Non, c'est ces chansons-là. Je déteste pas tant que ça. On en jouera peut-être tantôt. Oh, ouais. Pour toi, okay. Oh, t'es fou. Et Colin, hein, ce que je ferais pas. Pas là, là, hein? Non, pas là. Non, c'est pas. Faut pas que je compense le chiptune, là. C'est vrai. Ok, c'est correct. Tu veux aller voir du chiptune? Pas aujourd'hui, d'accord. Pas aujourd'hui, ok. Mais okay. Pour compenser dans la semaine, on va se préparer. Ok, moi. Par contre, maintenant, moi, je veux dire, il n'y a pas la technologie dans la vie, là. Non. Technologie, c'est bien beau. C'est bien le fun. On aime ça, les gadgets, tu sais, mais c'est pas obligé. Quand ça marche, premièrement. Ouais. Mais c'est pas tout le temps obligé de, genre, vraiment être utile, tu sais. Non. Fait que voici, ça existe, mais ça devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, c'est la chronique où on se crée des besoins. C'est ça qu'on règle des problèmes. Yeah! Yeah! On commence avec, tu sais, le célèbre problème. Tu veux avoir une clé USB. Ouais. Mais aussi, tu veux pas te faire violer. OK, ouais, j'imagine. Ouais, ouais. Tu te promènes dans la rue, tu veux avoir les deux. C'est normal. Donc, il te faut une clé USB avec un sifflet intégré. Ah! Hein? C'est pas plus. Tu sais, genre, puis là, oups, tu me violeras pas. Et en plus, j'ai mes données sur moi. Genre... Donc, la clé USB PNY Whistle, disponible en format de 8 et de 32 gigs et doublée d'un sifflet parfaitement fonctionnel. C'est ça, ça coûte entre 20 et 48 $ selon les capacités. Je sais pas, hein, un sifflet dans une clé USB, pas sûr, mais tu la traînes autour de ton cou, j'imagine, tu sais. Dans le temps, là, tout le monde avait leur lecteur MP3 là, dans le cou, là. Tu sais, leur Apple Shuffle. Là. Ouais. C'était beau, ça. C'est dans les poches. C'est dans les poches. Mais pourtant, il y avait des poches avant aussi, tu sais. C'est vrai. Fait que je comprends pas vraiment pourquoi il y avait des affaires autour du cou. Il y en a qui mettaient leur clé autour du cou à l'école, tu sais. Ouais, ou tu sais, ce qui se vendait, là, c'était une espèce de cylindre là, que tu fermais. Là. Ouais. Tu peux mettre, je sais pas, ton argent. Ouais, peut-être. Tes clés. Mais en même temps, c'était extrêmement voyant. Ouais. Puis la corde était beaucoup trop grande, donc tu pouvais. Ben, c'est ça, puis ça tire, tu sais. Ouais, ça tire, mais c'est déplaisant. Ah, pas le fun. Ouais, non, c'est déplaisant. J'aime pas ça, moi, sentir quelque chose dans le cou. Ça me dérange pas que ça me tire après la poche, après les poches. Oups, c'est lapsus. Ouais, tu t'es bien rattrapé. C'est ça. Ensuite, allons-y avec. Tiens, tu veux nager. L'été s'en vient. Tu veux nager, mais ta cour est pas assez grande. T'as pas de place à mettre une piscine en terre là, pour faire des tours de piscine, là, une piscine olympique, toi, là. Donc, il te faut le Swimmer's Treadmill. Qui est une minuscule piscine avec un harnais et dans laquelle tu peux nager, mais sur place. Pas pire, non? Ouais. Je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Donc, tu peux faire vraiment des tours de piscine, mais tout en restant sur place avec ce Swimmer's Treadmill. C'est de la grosseur à peu près d'un véhicule utilitaire sport. Ça coûte 1 400. C'est fait en PVC qui empêche toute déchirure. Et pas besoin d'outils, pas besoin de plomberie, d'électricité. Il n'y a rien de spécial, de nécessaire. C'est simplement l'installer. Tu peux mettre 1500 gallons d'eau à l'intérieur. Ça utilise une pompe et un filtre qui sont fournis. Et 1 400 pour tout ça dans une cour. Puis en plus, bien évidemment, non seulement tu peux nager avec le harnais qui s'attache autour de toi et qui te garde dans le milieu de la piscine et qui a de la résistance, donc tu peux nager, avoir plus de difficultés à nager parce qu'il y a de la résistance. Augmenter un niveau de difficulté. Ça, avoue que pour faire de l'exercice, c'est quand même pas pire. C'est cher, mais c'est encore là, il faudrait te sortir dehors. Ouais, c'est ça. Mais t'es pas obligé, non, parce que on sait que tu peux laisser dans le garage. Ah ouais? Ah oui, si t'as pas de cours. Tu sais, il y en a qui ont pas de cours, il y a un garage. Ça arrive. Ouais. Moi, j'haïs pas l'idée, tu sais. Puis en plus, ben c'est ça, t'es pas obligé de le mettre l'harnais, là. Si j'en ferais, si j'avais beaucoup de buissons autour de ma maison, probablement. Des grosses clôtures, oui, qui empêcheraient de voir. Oui. Ouais? Ouais. Bon. J'aime bien l'eau, mais j'aime pas ben être en building. Et en bedding. En bedding. Ensuite, tiens, ta brassette, un super-héros. Je pense que c'est connu. Quel super-héros tu serais, toi, mettons? T'étais... Bonne question. Live comme ça, là, je te dirais... Peut-être, bah, c'est pas original, ben. Wonder Woman, moi, chef. C'est ce que tu veux, toi. Superman. Superman? Superman. Superman. Sûrement, attends un peu, là, en fait, j'y ai pas pensé, mais... Captain America, le Hulk, non? Hulk. Hulk, peut-être. Ouais, peut-être. Bon. C'est le nom d'un lutteur aussi. Cool, hein? Hulk Hogan. Hulk Hogan, en effet. Donc, c'est un imperméable pour enfants, mais en cap de super-héros. Donc, à l'avant, c'est tu... C'est juste le cap ou... Non, c'est le manteau complet. Donc, tu mets le manteau, t'as le logo de Batman, t'as même une genre de ceinture d'imprimé dessus. Ah, c'est cool, ouais. Ouais. Et puis ta cape, elle, ben c'est la cape, de, j'imagine, du Batman une cape. Oui. Dans toutes les Batman. Robin aussi. Ah ouais? Mais je te dis. Il y a la cache bien. Hein. Ouais. L'autre, il y a des pectoraux, il y a des petites tétines, je pense, Batman, dans un des films, il me semble. Ben, ouais. C'est fun. Donc, c'est ça, c'est des petits imperméables et on peut enlever même la cape pour la laver individuellement. Ça coûte 50$ en tout pour l'ensemble, là, en format 2T jusqu'à 6X, donc pour les huge fatty kids là, aux États-Unis. Il y en a pour vous aussi, c'est super. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Maintenant, François, t'as de la misère à brancher des appareils dans ta power bar. Ça, on en parle souvent. C'est un problème qu'on a à régler souvent dans la vie. Tu sais, le gros power supply, la grosse affaire qu'il faut que tu branches dans la power bar qui prend 3 prises de large. Là, les gros blocs, là. Ouais, c'est fatigant, ça. Ouais. Tu sais, les compagnies de plus en plus vont mettre ça au milieu d'un fil avec une petite prise d'un bord puis une prise de l'autre. Mm-hmm. Pour justement ça, empêcher ce problème-là. Mmh. Mais si t'as pas ça, si le seul appareil que t'as, ben un gros patente au bout, c'est une minuscule extension de vraiment, là, j'imagine, je sais pas si c'est quelques pouces là, à peine de long. Okay. T'as un fil entre les deux et t'as d'un côté une prise qui se branche en rond sur la power bar et de l'autre côté, c'est juste un récepteur de la même forme qui se branche dans ton gros power supply. Donc t'as comme une minuscule extension qui part de ton extension. Pis tu parles pas de force ou rien. Comment ça vaut, ça? Ça coûte 5$. Oh! Ouais, moi, je trouve ça pas si pire. 5$, c'est juste quelques gadgets qui font ça. Là. Je trouve que ça a bien du sens. Ouais. C'est disponible sur assemblagerequis.com aussi. Ensuite, parlons de bacon. Là. Le bacon, c'est à la mode. Tout le monde adore le bacon. Je pense que ça a toujours été comme ça, mais particulièrement, on dirait, depuis les dernières années, les produits sur le bacon n'arrêtent plus de couler. Hein, tel du lubrifiant à saveur de bacon. Donc ici, c'est de la bacon gravy, donc de la petite sauce à mettre à saveur de bacon avec du bacon dedans, que vous pouvez mettre, j'imagine, sur du bacon aussi, mais on vous conseille de mettre ça sur des patates avec du fromage, mettons, pour faire une genre de semi-poutine ou des cheesy fries qu'ils appellent en anglais sans le fromage. Rajouter du fromage, ça donne une poutine, pas mal ça. Mais donc, c'est comme de la viande liquide, si on veut. Donc, country style bacon gravy, ça a l'air bon. J'en veux. Et une chandelle à senteur de bacon. Je sais pas si c'est cruel ou quoi d'avoir ça dans la maison. Ouais, peut-être. Ça donne faim du bacon, cette affaire-là, cette odeur-là. Mais c'est ça, c'est la compagnie, comment elle s'appelle? Aunt Sadie's Bacon Premium Scented Candle, leur modèle. Donc c'est premium, là, c'est pas une niaiserie, ça. Ça peut aller jusqu'à 70 heures de cette... De senteur. Cologne des dieux, comme ils disent. Cologne des dieux. J'aime ça. Ça coûte 15$. Pas cher, 15$ pour du bacon. Ouais. Ça coûte à peu près le prix du bacon à l'épicerie de bonne qualité. Là. Ouais, c'est ça. Pour beaucoup de bacon quand même. Tiens, un socle pour iPad, mais fabriqué à partir d'outils. Donc, c'est sur un magasin Etsy. Etsy, qui est une boutique où les gens peuvent créer leurs propres produits et les vendre. Ça coûte 95$ chacun, donc un vrai prix viril pour les vrais hommes. Hein? Ils en font plusieurs styles de ces socles pour iPad-là, avec des tournevis, entre autres. Il y en a avec un marteau et un tournevis. C'est très joli, mais en même temps, faites attention pour pas, je sais pas, vous crever un œil ou endommager votre iPad en le mettant à l'envers sans faire exprès. C'est dangereux. Maintenant, le problème qu'on a dans la vie souvent, c'est quand t'empiles des verres. Tu sais, mettons, tu viens de faire la vaisselle, tu mets les verres dans le rack à vaisselle pour les faire sécher, mais là, t'es empiles, hop, ça sèche pas, t'arrives le lendemain, ils sont encore tout trempés. Ou t'es là dans la vaisselle, ils sont encore trempés. Des fois, quand t'es là dans la vaisselle, c'est encore trempé après, t'as déjà vu ça? Ouais. C'est plate pour les verres, des fois. Eh bien, il y a des verres maintenant qui s'empilent et sèchent quand même. C'est pas pire, ça? Ouais. C'est les Totem Stackable Air Drying Cups. Totem, comme un totem là, indien. On trouve ça quand même bien comme nom. Donc, ils ont des genres de petites bulles de chaque côté du verre pour empêcher, pour séparer les verres, donc pour que l'air puisse passer. Et le dessus et le dessous ont un genre de petites vagues. Donc, quand tu les empiles, il y a aussi de l'air qui passe pour pouvoir sécher le dessous du verre quand il est à l'envers. Donc, c'est 4 verres de 15 onces chaque, sans BPA, là, c'est super environnemental, pour 15$. Non, c'est bien. Moi, j'en veux 16. 16? Moi, j'ai besoin de 16. Ouais. 16. Tiens, ça, c'est pas un gadget à acheter. Ben, en fait, vous pouvez l'acheter, mais c'est pas pour ça que vous le... Ben, si vous l'achetez pour ça, tant mieux pour vous autres. Là. Bref, c'est un truc. En dessous de ton lavabo, t'as souvent plein de produits, t'sais, des push-push. Là. Mm. Des push-push. Mais on vous conseille de mettre une petite barre, t'sais, une barre là, comme pour les rideaux de fenêtre où tu veux pas faire de trous dans un appartement. T'sais, des petites barres extensibles. Oh, avec un ressort. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on te conseille, mets ça en dessous de ton lavabo et puis pends tes push-push dessus. Ah! Tu sais, pas pire? Ouais, quand même. Je le ferai. Ouais. Bonne suggestion. C'est un bon truc, ça. Tiens, des enveloppages de clés, si on veut. Tu sais, tes clés, des fois, tu sais jamais c'est laquelle pour entrer chez vous. Tu sais, genre, t'arrives à la maison, c'est-tu la clé pour entrer dans la maison, c'est-tu la clé dans l'arrière, c'est-tu la clé de mon auto, des affaires comme ça, des fois, sont difficiles à remarquer. Eh bien, c'est des boutons de clavier qui servent de bout de clé. Donc, par exemple, la touche Escape ou la touche Enter, mettons la touche Enter, tu la mets après ton porte-clé. Et puis, ça va devenir, mais en fait, tu le mets après le bout de ta clé, le rond qui est en haut de la clé. Là. Tu snaps ce bouton Enter-là qui te vend, là. Et puis, ben, ça devient la clé Enter pour entrer dans la maison, tu comprends, genre? Ouais. Pas payé quand même? Non, pas payé. 4,99 pour l'ensemble Escape et Enter. À ce que je vois, il y en a juste deux. Je pense que c'est pas mal ça. Mais bon. Maintenant, un truc pour mettre votre iPod ou votre... Non, c'est plutôt votre iPhone, pardon. Donc, c'est un H-Sketch, mais ils ont pas l'air de l'appeler H-Sketch parce que c'est une marque de commerce de la compagnie Ohio Heart Company qui a fabriqué le super H-Sketch. Donc, ils appellent ça le iFoolish. C'est tu mets ton iPhone là-dedans et à l'arrière, ben, il y a un petit bouton et puis tu peux dessiner aussi avec un crayon. Donc, c'est vraiment... c'est rouge, ça ressemble à un H-Sketch comme dans le temps. Tu sais, H-Sketch que tu... Ouais, les deux roulettes, là. C'est ça. Mais est-ce que je vois, étant donné qu'il y a un crayon, je sais pas si tu peux faire avec les roulettes. Parce que oui, c'était cool. T'es-tu bon à ça, toi? Ben, non. Non? Non. Fallait que tu passes beaucoup de tests si tu voulais être bon ouais. À ça. Là, on envoyait des fois à la télé des gens qui étaient vraiment bons au H-Sketch. Je me dis, crime, t'as vraiment, vraiment pas de vie. Ouais. T'as mais tant mieux, c'est un passe-temps. Ouais, c'est ça, exactement. Là. Exactement. Je me dis pas que j'ai une vie, moi. Je sais que j'en ai pas. Non, mais tu sais, j'imagine que, écoute, tu t'en vas, je sais pas, tu prends l'autobus et dans le temps, tu sais, il y avait pas non plus les portables, il y avait les pas Game non Boy. Plus, ouais, c'est ça, les Game Boy. J'imagine que. J'imagine. Dans l'autobus avec ton H-Sketch à dessiner des petits chiens. Ouais, j'imagine. Ça doit se vendre encore, d'ailleurs. Oh, oui, ça se vend encore. Oh, ouais, pour vrai. Ça, c'est celui-là pour le iPhone. Là, l'arrière de votre iPhone, ça coûte 25$. Et j'avoue que c'est un des trucs pour iPhone les plus cool, dans le sens que les autres servent à rien. Lui, au moins, tu peux faire quelque chose avec. Au moins. T'sais. Au moins. Au moins. Un briquet, maintenant, qui sert de pepper spray. Tu sais, dans la rue, on parlait tantôt d'un sifflet. Poivre de Cayenne. Sifflet pour clé USB. Oui, poivre de Cayenne, exactement, dans un briquet, un lighter. Donc, je sais pas si c'est légal à importer. Là. Je sais qu'il y a une zone floue là, sur l'importation et l'exportation de... En fait, t'as le droit de te servir, je pense, du poivre de Cayenne, mais plus pour c'est quoi, la chasse. OK. Pour repousser des ours. Ah, pour vrai. Je pense que c'est ça. Mais t'as pas le droit de t'en servir comme une arme. Mais comme moyen de défense, j'imagine que... Écoute, si quelqu'un sort dessus, t'attaque. Ouais, c'est ça, j'imagine. Là, tu peux t'en servir. Ouais. J'espère. En fait. Non, sinon, tu te laisses attaquer. Ouais. Donc, mais en forme de briquet, donc peut-être que ça va passer plus facilement aux douanes et vous allez peut-être pas vous faire arrêter, non, je sais pas. Mais ça, c'est quand tu t'en sers que tu te fais arrêter. C'est pas juste de l'avoir sur toi. Ah, c'est ça. C'est ça. Ensuite, on change complètement de domaine, là, les enfants. Les enfants! Les fanfans! Les enfants! Vous aimez ça faire du vélo, mais vous aimez ça aussi dessiner à craie dans la rue. Pourquoi ne pas combiner les deux? T'sais? Combiner les deux en un seul affaire, tu sais. Ah ouais, tu... Ben, ça s'attache après la roue de ton vélo dans l'arrière, OK? Et il y a une grosse craie après ça, de différentes couleurs. Et puis, ben, en faisant des. Dans la rue, ben, il y a vu qu'il y a un poids après ça, ou je sais pas trop quoi. Ouais, ben, un spring, j'imagine. Un spring, probablement. Ouais. Exactement. Et ben, ça peut faire de très belles formes. On voit une image sur assemblagerequis.com. Les roues, ça peut s'attacher au vélo avec toutes les sortes de roues, entre 12 pouces et 29 pouces. Et puis, c'est ça, tu mets une craie d'un côté. Chaque personne dans tes amis pourra avoir une craie différente. Pour faire de l'art. Ça a commencé comme projet sur Kickstarter, tu sais, où les gens doivent miser de l'argent et puis si on se rend au but, l'argent est un rabais. Et ça a passé il y a 2 ans. Ah. Et pour l'instant, c'est même tout vendu. Ah ouais. On va devoir en fabriquer d'autres. On parle avec une chaîne de jouets majeurs, donc vous allez peut-être voir ça en magasin à temps pour les fêtes, là, dans les grands magasins. Tant mieux. Hein? Ça a commencé sur Internet, j'aime ça. Maintenant, une édition de Scrabble pour les gens qui aiment la typographie. Tu sais, les amateurs de police de caractère. Ceux qui aiment les belles polices. Donc, Monopoly va sortir une nouvelle édition avec justement de très, très belles lettres. C'est super classe, cette affaire-là. C'est l'édition typographie du jeu qui a été annoncée il y a quelques mois, mais la nouvelle, c'est qu'on a annoncé que ça allait sortir au mois d'août cette année. Okay. Donc, gros... un gros, comment t'appelles ça, une grande planche de jeu magnétique faite de bois véritable et des tuiles. Oh, ouais. Et des tuiles avec un dessous en, comment t'appelles ça, comme les babillards, là. En liège? En liège, exactement. Pour que ça ne glisse pas. Ça coûte 200$, donc c'est vraiment pour les amateurs de typographie et de police de caractère qui sont très intenses cool, là-dessus. Ouais. Mais quand même, sérieux, ça fait parler tout le monde. Là, t'as un jeu de Scrabble qui a l'air de ça sur ta table, là. Hein? Ouais. Dans ton bel appartement loft de luxe. C'est ça qu'il vous faut. Parce que si t'as un Scrabble dans ton appartement miteux, là, ça fait dur. Ensuite, Brookhaven, ça c'est génial pour les Soulons, finalement, peut-être. Ceux qui aimeraient avoir une cave à bière à la place d'une cave à vin. OK. Tu sais, quand t'arrives à l'épicerie, si ta partie préférée de l'épicerie, c'est d'aller en petit frigidaire chercher ta bière, ouais, là, ben, tu peux avoir ton petit frigidaire à bière dans ta maison. Maintenant, si tu veux, ça coûte 6 400$. C'est cool, je pense que tu peux mettre... Il y a un tap, un fût. Ouais, c'est ça. Tu peux boire de la bière en fût. C'est génial, hein? Ouais. Le fût, pour vrai, ça, c'est très cool. Ouais. Mais je l'aurais peut-être pas mis après, là. Tu l'aurais mis à l'intérieur pour que tu sois obligé d'en mettre. Non, mais tu sais, en fait, là, tu fais passer un fil et puis t'amènes ça dans ton bar ou dans la place. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Parce que rendu là, écoute, t'es bien mieux de te prendre une bière en bouteille. Tant qu'à ça. Ouais, ça goûte meilleur, j'imagine aussi, en bouteille. Mais tant qu'avoir un fût, il aurait pu avoir un truc pour déboucher les bouteilles aussi, accrocher après. Il manque de. Mais non, il doit l'avoir. Tu sais, il est fait en petite tablette, là. Sûrement. Donc, tu peux mettre 4 kegs et 30 caisses de bière là-dedans. Si tu mets tout. Et c'est à monter, donc c'est vraiment un assemblage requis, littéralement. Tu dois toi-même l'assembler. Appeler Mathieu Plante, exact. Tu peux l'installer n'importe où, donc comme tu dis, à côté de ton bar, dans la cave, dans ton bureau, dans ta chambre à coucher, dans la chambre du bébé, n'importe quoi. Dans la chambre du bébé. Le Brookhaven. Ou la Brookhaven. C'est cool, par exemple. Ouais, c'est cool. Ça vaut quand même cher, hein, 6 400. 6 400, c'est ça. C'est du bidou. Ça fait cher de la bière. Ouais. C'est sans inclure la bière qui va venir après. Non, c'est ça, exactement. Oh, là, tu viens de doubler le prix. Core Crunchers, maintenant. Tiens, c'est une façon de garder ses écouteurs avec soi sans... Je t'en ai, à chaque fois, tu me parles de ça. Je sais, mais apparemment, c'est un problème parce qu'il sort un gadget à chaque semaine pour ça, là. Donc, je suis pas tout seul, là, à avoir le fil d'écouteur qui est tout en train de s'en mêler. Ici, c'est comme un genre de... C'est pour régler ce problème-là, mais en même temps, je trouve ça mauvais parce que c'est pas toi qui choisis les écouteurs, c'est les écouteurs qui viennent avec le produit. Donc, c'est un bracelet. C'est ça, tu peux détacher ça, puis ça fait des écouteurs, ça fait un fil d'écouteur. Puis quand tu le remets en forme de bracelet, tu le mets autour de ton poignet. Ça coûte 20$, ça m'intéresse pas, mais c'est un projet sur Kickstarter qui a été complètement... qui a atteint son but, François. Sur Kickstarter, ça a atteint son but, donc il doit y avoir de la demande, quand même. Voilà, donc ça devrait être envoyé au mois de mai. De la pâte à dents, pardon, noire. Tu sais, le matin, tu te brosses les dents de la pâte à dents blanche, c'est quelque chose de plus plate que ça, ça? Tu te regardes dans le miroir, ouais, c'est quoi ça? Mes dents sont blanches, mais de la pâte à dents blanche dessus. Ben, mes dents sont pas vraiment blanches, mais bon. Alors, c'est plate. Il faut de la pâte à dents noire. Et ça ne tache pas les dents non plus, parce que l'ingrédient principal est du charbon. Vous dites, mais Colin, ça doit donc tacher. Non, ben on dit que ça a des propriétés d'absorption étonnantes. C'est utilisé dans plusieurs savons et plusieurs nettoyants pour la peau au Japon. Donc, tu utilises cette pâte à dents-là, des petites graines à l'intérieur vont encore plus frotter et enlever les saletés, ce qui va rendre vos dents douces et propres. Douces et propres. Douces à la langue, là. Voilà. C'est la compagnie Sumigaki. Il en reste un dernier, c'est un attachement pour votre iPad qui le transforme en machine à écrire. Donc, littéralement, tu mets ça dans la machine à écrire et puis tu te mets à taper et puis ça tape à l'écran. Donc, vous pouvez aller voir ça sur assemblagerequis.com. Et voilà pour la chronique. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. Tout à l'heure, on parle avec Jasmine Raymond-Dréville et ses comptines. Tu sais, on dit qu'elle va nous endormir, mais c'est pas vrai. C'est une comptine. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Comptine. Comptine, ça reste une comptine. C'est ça. Et Colin, hein? Et motadine de comptine. Pour l'instant, on écoute Topanga. Voici l'extrait Mabou. Ah, c'est fou! Dans vos oreilles! fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Bon, c'est rendu que Jasmine est obligée de se cacher de François tellement il est tannant avec elle. Hey, il est vraiment gosse, ben non. Ouais, ouais. Ben non, ben oui, mais tu sais, ben oui. Non, c'est parce qu'il y a une manière de me parler, tu sais. Puis, quand t'es pas poli, ben écoute, je deviens tannant. J'ai demandé de m'ouvrir la porte, puis il a pas voulu. Parce que j'ai pas dit s'il vous plaît via message texte. C'est quoi le code secret? Ah, il t'a écrit un message texte. Non, c'est moi, j'ai dit la porte. Il dit, il manque le s'il te plaît. Je dis, ah ouais, s'il te plaît. Ben non, ça me tente plus. C'est Félicia Tête de Tigre, je pense. Félindra, excusez-moi. Hey, Jasmine? Oui? Est-ce qu'on fait des petits clics des doigts? Ben go! Attention, là. C'est tellement enfantin, là. Oh, Mathieu est au piano ce matin. Merci. Donc, Jasmine Raymond Réveil qui est là avec ses comptines, comme à toutes les semaines, les mercredis matins, mais là, c'est ta dernière. Ben oui. Juste toutes les semaines là, pour y aller en général. Non, là, en général. Être... Parce que sinon, si on y va dans les détails avec les chroniqueurs de nos jours, c'est comme toutes les semaines, sauf telle date. Sauf tout ça. C'est genre peut-être le trois quarts ou deux tiers de la session, mettons. À peu près. Mais je suis là. Mais là, ouais, c'est ça l'important. Oui. Et tu claques très bien les doigts. Je joue du piano aussi. C'était moi qu'on avait dit, là. Faudrait nos mensonges sont supposés être synchronisés. Ben, on était deux. Ah, deux sur le piano? Ben oui. Tu fais la main gauche, tu fais la main droite. Qui claquait les doigts? Toi? Ouais. Non. T'as un peu? Jamais claqué des doigts. Il est tellement rabat-joie. Bon, donc aujourd'hui, tu nous parles de Patrick Watson. Oui! Artiste donc, de hard rock, hein? T'en plein ça. Du gros métal. Oui, dans le fond, il lançait son quatrième album, Adventures in Your Own Backyard. Mercredi. Des aventures dans ta cour. T'en plein ça. Bravo. Ta propre cour. Donc, mardi, le 17 avril dernier. Puis, j'ai assisté à la première soirée des trois soirées de lancement de l'album, dimanche le 15. Hey, qu'est-ce que tu veux? Il est-tu drôle, hein? Donc, voilà, j'ai assisté à la première soirée des trois soirées de lancement. Puis, encore une fois, c'était absolument fantastique, merveilleux et tout, les synonymes. Est-ce qu'on pourrait dire sublime? Sublime. C'était tout ça. Tout ce qui n'était pas sublime, c'est la fille qui est en arrière de moi puis qui s'accotait sur mon épaule pour filmer. Hein? Tu niaises ou... Alors, c'est une coupe de coups de coude. Mais là, t'en connaissais pas, là. Non, je la connaissais pas. T'as laissé faire ça? Mais non, je l'ai pas laissé. Non. Tu bouges ton épaule, je sais pas. J'ai donné une coupe de coups de coude. Bref. Il y en a qui les gens sont pas gênés, ouais, ça c'est exact. Mais it's not grave, les gars. C'est pas grave. Ben, tu sais. C'est pas grave. A little bit. Mais non, mais c'était tellement magnifique que j'étais zen quand même. D'accord. C'est ça. Donc, un album plus mature que les trois autres. C'est comme moins expérimental un petit peu, même si j'ai plus rock. Écoute, plus métal. Ah ouais? Non. Puis, en fait, je suis pas une critique d'album, là, mais je triple sur l'album. Ouais, mais comme, t'étais déjà un peu vendu d'avance. Mais j'étais déjà méga vendu. Je me pouvais plus d'attendre ce spectacle-là. Mais l'album aussi. Mais ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu d'album? Longtemps. L'autre était sorti en... Deux, trois mois. Non. Trois ans, peut-être. Trois ans. Je rentrais à l'université, on était en 2000. Ça va faire trois ans. Ouais. C'était quoi, Close to Paradise? Ou? Non, c'était Wooden Arms. Wooden Arms, ouais. Okay. C'est ça. C'est bon. Donc voilà. Je connais pas tant que ça, mais j'essayais. Non, mais c'est correct. C'est ça. Donc ça fait trois ans, mais en tout cas, lui, il est malade mental. Puis encore une fois, un drummer fou dans la tête, là. Il est vraiment trop hot. Dans le bon sens. Puis avant, en fait, il y avait un quatuor à cordes, les Mummies on the Run, qui accompagnaient lors de la tournée. Le groupe, Patrick Watson. Et t'as pas aimé puis, ça? Non, mais là, il y avait juste une des quatre, parce que là, à un moment donné, je pense qu'il pouvait plus, là, je sais pas. Mais donc, il y a une des trois, un quatuor. Une des quatre, ouais. Hein? Qui est là, puis qui est vraiment, ma foi, excellente, avec une magnifique voix. Donc, on va y aller. OK, avec on écoute... une première tourne. Ouais, on commence par une pièce, laquelle? Qui est ce qui a commencé, en fait, le spectacle auquel j'ai assisté. Ça s'appelle Lighthouse. Dans les comptines de Jasmine, à Assemblage Requis. Yeah. in the wild. 'Cause I'm coming in a little blind. Dreaming of a lighthouse in the woods. Shining a little light to bring us back home. To find you in the backyard, hiding behind our busy lives, dreaming of a lighthouse in the woods to help us get back. Bon ben c'est la fin. On sait plus trop quand qu'elle finit. Tu l'entends pas? Mais on entend. Mais on entend de la petite trompette. Ouais, c'est pas mal fini. C'est très très sur sa fin, gars. L'aiguille est comme super basse là. Oups, il y en a plus. Super! Donc c'était Lighthouse, la première pièce du nouvel album de Patrick Watson. Et comme je racontais aux sympathiques garçons avec moi ici, sauf François. Fait que je racontais ça à Mathieu. François il est trop pépé aujourd'hui, je pense. Oui. Ben pour l'ouverture comme du spectacle, ça avait c'était cette pièce-là justement, puis chaque musicien avait des petites lumières sur les mains. Donc, il y avait comme des petites mains qui volaient partout. Oh. C'était coquin. Ouais. Hein? C'était le fun. Cute. Voilà. Donc, la prochaine s'intitule Into Giants. Puis, celle-là, pendant le spectacle de lancement, ils étaient toutes regroupées autour du même micro. C'était bien le fun. Oh. Puis, c'est encore ça? Des lumières? Non, plus de lumières. Mais une tambourine. Oh. I was running fast. so slow. Well, I watched us grow and grow. Carried our love in cups to go. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Ain't it feel nice? François. Donc voilà, on vient d'entendre la pièce titre de l'album qui est donc Adventures in Your Own Backyard. Avant ça, on avait entendu Into Giants, puis comme je disais au gars tantôt, je sais plus trop si je l'ai dit en onde ou pas, mais en tout cas pour celle-là, pendant le lancement, ils étaient tous rassemblés autour d'un petit micro. Oui. C'était bien coquet. Ah, c'est cute, hein? Il y a une belle voix. Voilà. Ben oui. Faut lui donner ça. François, il dit, faut lui donner ça. Ça comme s'il n'y avait rien d'autre pour lui, alors que tout lui réussit. Non, non, attends, je me corrige moi-même. Là. En fait, là, c'est bon. Ben oui, bravo. Ben, tu t'en es bien sorti. Hein, c'est ben, pas pire. Quelle reprise. Non, non. Donc, ben, voilà, elle est assez plate, mais finalement, non, c'est non, bon. Non, c'est tranquille, en fait. Là, ben faut que tu fasses des comptines. On se réveille. Ouais, non, c'est ça. Mais t'es arrivé en parlant d'Hardrock. Fait que là, j'étais là, tu sais, ça va. Ouais, non. Elle a pas parlé d'Hardrock. Ah, pas parlé. C'est toi qui as parlé de Hardrock, François. Ah non, c'est elle qui nous a parlé. Ben oui, mais en ronde et sur un autre sujet complètement. C'est ça. C'est pas que j'avais écouté ça ce matin. Ben écoute, bon. T'es prêt pour. Donc, bref. Ah, c'est vrai. On court acheter cet album-là, c'est ça. Merci, Jasmine. Ben, ça fait plaisir. Et merci. Je pense que François veut te remercier. Ouais, j'ai un petit poème. Ah, c'est vrai, le poème? Ah, oh, ouais. Je pensais que c'était une... Oh, non, non, non. C'est vraiment vrai. Mais écoute, qui dit poème dit pas nécessairement rime. Là. Je sais qu'habituellement... Surtout fait, quand c'est toi. Vas-y. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, écoute, ça va comme suit. S'il vous plaît, bon, on rit pas, hein. Anne-Julie, ferme son micro, elle. Bon. Jasmine et ses comptines. Peut-être n'est-ce pas un hasard qu'elle nous amène ses comptines à chaque semaine. Vous savez, une comptine est synonyme de chanson enfantine et qui rappelle le côté enfantin de par son innocence et sa naïveté. Souvent, ces comptines sont destinées au jeu ou pour aider à s'endormir. Sache que pour nous endormir, tu n'as pas besoin de comptine, mais de nous parler simplement de français. Merci pour tout. Jasmine Raymond de Rainville. Ah, oh, ça fait plaisir. C'est émouvant. Ah. Oh. Écoute, j'étais tellement émouvant que j'ai goûté le frapper, là. Une chance qu'il y a quelqu'un entre toi et lui, c'est Anne-Julie. Fait que frappe Anne-Julie qui frappera François. Oh non, c'est beau. Non? Merci pour ce fantastique film. Ouais, j'ai quand même mis de l'énergie, non? Mm-hmm. J'ai quasiment hâte au mien. Hey, t'avais vraiment fermé son micro? Ben oui. Qu'est-ce que ça dit? J'ai dit que j'avais quasiment hâte au mien. Ouais. Veux-tu que je te les attienne tout de suite? Non. Ben non. Hey, ben non. Ben non. On n'usera pas la tradition. Alors, on va prendre une petite pause. On va revenir avec justement Anne-Julie Durocher, sa chronique sur la GQTR. Il va nous faire un petit. Je sais pas si elle veut vraiment l'amener sous forme de quiz. Ben, c'est pas, hein? Ben, je pense là, que oui. Je vous ai tout dit. Fait que ça serait comme ça. Ah, j'ai rien retenu de tout ça. Ouais, ouais. C'est tellement passionnant. Bon. Alors, on parle donc du spectacle de fin d'année tantôt. Ouais, d'une activité qui a lieu aujourd'hui. Puis c'est son fait un retour sur l'année 2011-2012. Un petit wrap-up. Wiki Wiki. Après la pause. Wiki Wiki Woo. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Toujours Assemblage Rocky, votre émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est François-Louis Marchand. Lui, c'est Mathieu Plan. Et on est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières, mercredi 25 avril. Notre amie Jasmine Raymond-Drainville fait la baboune dans son coin. Mais après. Non. Non. Mais non. T'es pas full depressed, yo, à cause du texte de François-Louis? Ah, non, c'était super gentil. Juste qu'il avait pris le temps de me faire un texte quand même, ça a dû demander beaucoup d'efforts mentalement. Ça montre plus d'attention que tout le reste de la session. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais. Et avoue que t'es surprise que je sache écrire. Mais ça rime pas, fait que c'est pas un poème. Oh, c'est un texte. Non, un poème, c'est pas obligé de rien. Ouais. Ouais, mais là, ça a rien d'un poème pour moi. J'étais au festival de poésie, puis j'ai appris ça. Okay. Pas obligé de rimer. Parfait. Fait que, mais je pense qu'il est supposé avoir des strophes et des tout ça, là. Par exemple. Des strophes, ouais. D'autres termes que j'utilise et que je sais pas voir ce qu'ils veulent dire. Donc, Jasmine est toujours là et va accueillir Anne-Julie comme ça, parce qu'à un moment donné, on aime ça parler de choses sérieuses, mais en même temps en s'amusant. Hein? C'est ça l'idée de l'AGEQTR ou l'AGEQTR. AGEQTR, AGEQTR, AGEQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEQTR parce que l'AGEQTR, ça n'a pas d'âge. Yo, pro. Anne-Julie Durocher de l'AGEQTR, ça faisait longtemps cette intro-là. Ouais, mais ça faisait vraiment longtemps et je vais m'en ennuyer. Hey, si, ouais, c'est ça. Si je retrouve la flûte, là, je la casse en deux. Mais je pense qu'il est déjà brisé ou. Ah ouais? Je sais pas. Je pense qu'on l'a amené dans une manif, Jacine, puis moi, la flûte, ouais. Mais je suis comme pas sûre. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est devenu. Il m'en reste une chez nous. Fait que c'est pas la mienne. La tambourine était restée ici, pas la flûte. Mais on a besoin d'autres infos là, pour d'autres chroniques. J'ai le xylophone chez moi, en tout cas. Ouais. Ça, je le sais. Il est en sécurité chez moi. Pratique un peu. Ouais, ouais, ouais. Je suis en train d'être popé. Ouais? Ouais. Je suis capable de faire deux sons. Deux sons. Pas des notes, deux sons. Deux sons. Deux sons. Donc, Anne-Julie, on en parlera plus tard, mais tu vas revenir avec nous en tant que chroniqueuse dans une autre sorte de chronique et on t'enregistrera une autre sorte d'intro. Ben oui. C'est super. Mais pour aujourd'hui, tu es là pour nous parler des activités de l'AGA qui ont eu lieu pendant l'année. On se fait un petit bribop rap, wrap it up. Ben, j'aurais commencé par qu'est-ce qui s'en vient. Ce que tu veux. Vas-y. OK, je vais commencer par qu'est-ce qui s'en vient. Donc, il y a le party de fin d'année le 1er mai. Puis, ça, ben, c'est un mardi, là. Ouais, c'est comme mardi prochain. Fait que c'est dans moins d'une semaine. Ça, c'est un gros power. Un gros quoi? On disait ça quand on était jeune. Je disais jamais ça. Non, j'ai aucune idée de quoi. Okay, ouais, ça va être un gros party. Au 10-12, ben, c'est ça. Dans le fond, dans l'après-midi, il y a le barbecue du TR. Puis, donc, puis y a un michoui. Je pense que c'est comme quelque chose comme 15$ pour le souper. Il y a un michoui de fourni. Puis pendant ce temps-là, on va avoir le premier band qui va performer au 10-12. Le band, c'est Dumka Kereka, comme je vous avais annoncé en primeur. C'est vrai, tu nous avais apporté ça comme primeur, là, deux semaines. Ouais, vous m'aviez demandé une primeur, je l'ai faite. Donc, à 18h30, on a le premier band qui va être dans le 10-12. C'est plus des percussions, mais c'est vraiment intéressant. Je vous invite vraiment à être présent. Puis, après ça, on va avoir DJ Tremens qui va être au 10-12. Jusqu'à 22h, jusqu'à l'arrivée du second groupe, que eux, je vous avais pas dit le nom. Oh! Non, c'est vrai? Parce que c'était pas censé être ça. Finalement, on a un deuxième band. OK, c'est qui? The Logic Sticks, qui est un groupe aussi de la région de Trois-Rivières, puis qui vont faire. Ça ressemble à quoi, si tu. Mais c'est ça. En fait, c'était censé être une partie des membres qui se joignaient à Doom Kereka pour faire des covers. Finalement, c'est tout le groupe qui va être présent. OK. Fait que, mais ils vont quand même jouer avec Doom Kereka quelques chansons, mais c'est, ça va être surtout des reprises en fait, de chansons plus populaires. Ouais, on peut s'attendre à du Sublime, j'imagine. Exactement. À part ça, on veut un autre. Blablabla, faudrait que je me souvienne. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Pennywise, non? Bruin? Non. C'est pas, ça fit avec Sublime. Ouais. Ouais, mais en tout cas, d'autres. D'autres avec un S. Et ça va être très bon. Je vous invite vraiment à être présent. En plus, c'est gratuit. Fait que vous n'avez pas de raison de ne pas venir à ce party-là. Il va y avoir de la. C'est vrai. Ouais. Tu sais, au 10-12, c'est le fun. Il va faire beau. C'est j'imagine. Sûr. J'ai commandé déjà la température. Ah ouais? Super beau. Ouais. Okay. Ça a-tu coûté cher? Ben non. C'est... J'ai eu un deal. Ouais, elle a une plug. Ouais, c'est ça. Fait que il va faire beau. Venez profiter du souper, venez profiter de la musique. Venez dire bye à vos amis pour l'été. Ben oui. Puis, Hey bye. Ben non, ciao. C'est comme pas dans cet état-là. Non. Hey bye. Ouais. Ça arrive à plus à ça. Mais bon. Fait que c'est ça, soyez là. Puis c'est ça, c'est complètement gratuit toute la soirée pour rentrer. Ouais, parce que Michoui, c'est 15$. Ouais, quelque chose comme ça, là, faudrait que j'aille. Ça, Michoui est ben, fait par le ITR. Par ITR, oui, c'est en plein ça. Je vais vous dire les prix, ce sera pas bien long. Donc. Ils sont pas inscrits sur leur événement. Oui. Il va y avoir de l'animation. Ah, okay, bon. Ouais. OK. Donc, c'est 15$ pour un jeu, spa. Animation, un chapiteau, puis un spa. Un spa. Puis, c'est 20$ pour le dîner et le souper. Donc, si vous voulez la journée plus le manger, ça fait 35$. Si vous voulez juste manger, c'est 20$. Puis, en plus, vous avez un bon show. Gratuit, le show. Ah, c'est cool. C'est super. C'est ça. Ouais, ça, c'est le 1er mai. Le même jour que notre émission spéciale à partir de 6h le matin. Donc, vous écoutez C'est fou toute la journée. On parle de cet événement-là. Puis là, le soir, vous vous présentez. Puis tout le monde a du bonheur, ça. Ah, c'est tellement une bonne idée. Caroline. Je viendrai vous voir pendant la journée pour vous le rappeler. Ben oui. Je vais trouver un petit moment. OK. Je vais venir vous voir. C'est cool. Fait que c'est ça. C'est ça le 1er mai, le planning. Puis aujourd'hui, ben, je vous avais dit qu'il se passait quelque chose. Bon, c'est pas super le fun, mais il faut étudier parce qu'on est en fin de session. Oui, malheureusement. Donc, depuis maintenant 6 minutes. Parce qu'il est 8h06. C'est vrai? Ah ouais, c'est ouvert, là? Ouais, le 10h est ouvert pour un 24 heures d'études non-stop. Non-stop. Et personne qui arrête. Ben vous pouvez arrêter, mais le 10h. Personne ne sort. La porte est barrée de l'intérieur, de l'extérieur. Mais c'est ça, le 10-12 est ouvert. Il y a du café à 1$. Puis, pas de café vraiment... Baileys, malheureusement. Non, il n'y a pas d'alcool. C'est une ambiance sérieuse. Il y a aussi bouteilles d'eau, boissons énergétiques et tout ça. Là. Puis venez étudier là parce que, bon, on le sait, en fin de session, des fois, c'est un peu compliqué de se trouver une table de travail calme. Puis surtout, la bibliothèque ferme comme à 10h. Fait que là, c'est ouvert jusqu'à 8h demain matin. En fait, ça vient de la première initiative qui avait lieu, je pense, pour la session... À ma fête! À ta fête! Non? C'était à ma fête! Bonne fête en retard. Bonne fête en retard. Elle avait reçu un beau gâteau dans la salle d'études. Oui. Ouais, pendant que tout le monde étudiait. J'ai reçu un gros gâteau de Skittles. C'était malade. Ah, wow, c'est vrai qu'il était beau. C'est Ariane Cossette qui l'a fait. Oui. Et si fine. Il y avait eu du monde, c'était le fun. Mais c'est ça. Fait que, allez-y, pour vrai, c'est une belle ambiance pour travailler. Fait que, si vous cherchez un endroit... Allez là, 10-12, Néré Beauchemin, pour ceux qui le savent. Mais non, on va pas danser, là, On va pas danser. Non, c'est sûr. On va étudier. C'est ça, exactement. Bon, fait que là, on va faire un retour sur l'année. Bon, wiki, wiki. Voulez-vous un quiz? Vas-y. C'est sûr que j'y éclenche, mais non, peut-être pas tant que ça. Non, mais tu participes pas, parce que Mathieu va fermer son micro. Je vais crier dans le titre. Non. Mais je veux que Jasmine... Pardon, Jasmine? Hein? Yeah! Regardez. Bon. OK. Moins. Ouais, okay. Bof. Je suis pas sûr. Des fois, je vais vous le faire en quiz. Des fois, je vous le ferai pas en quiz. OK. Admettons, si je vous dis 1er mai 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Partez de fin de session? L'entrée en poste du niveau 6. Ouais! De la oui. OK, donc, c'est ton entrée en poste. Ouais. Avec les autres. Avec les autres. Es-tu capable de me nommer les autres officiers? Ben oui. Écoute, je peux essayer. Mais évidemment, il y a Hugo qui est président. Anthony Dehay qui est secrétaire général, il y a Malik. Malik Diang, ben, qui est aux communications. OK. Après ça, écoute, il y a Léonie Robitaille, ça? Non? 5 mars. 5 mars? C'est proche. Je sais pas pourquoi j'avais Robitaille dans la tête. Qui, elle, est au cycle supérieur, ça? Oui. OK. Crime pas pire, hein? Faudrait pas que ça se gâche, par exemple, à partir de maintenant. Ludovic Nadeau qui est... qu'est-ce qu'il fait, lui? Dans l'interne, vie associative et environnement. Ouais. Je dis tout développement et environnement, ouais. T'as raison, Jasmine. Exactement. Après ça, écoute, c'est sûr que j'oublie aussi. Charles, ben oui, exactement. Celui qui a remplacé l'autre, ça, je pense. Non, c'est Sébastien Gardetin, ça. OK. Fait que Charles est à quel poste? Charles est premier cycle. Oui, Académie de premier cycle. Sébastien. Sébastien est affaires sociopolitiques. Oui, sociopolitiques. Puis il te manque comme Madame Gâteau. Ben oui, Ariane Cossette qui est aux finances, ben oui. Oui. Hein, pas super quand même. Bravo. Avec un peu d'indices, il est arrivé après un an, tu sais. Ouais. Non, mais c'est parce que en fait, il y a beaucoup de monde. Ouais, c'est ça, exactement. Puis je les vois toutes. Il y en a qui vont moins que d'autres aussi. Ouais, ouais. Ah. C'est ça. Le 7 septembre, c'était la rentrée scolaire pour. C'est vrai. L'accueil des nouveaux étudiants. Ouais, c'est ça. C'était le début. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'il y a eu le 15 septembre? 15 septembre, c'est parti de la rentrée. Avec quel groupe? J'ai Radio en tête, là. Ouais. Ok, t'en ça c'est bien. Y'a pas Atomic Baobab ou c'était non. Qui? Non, Boucar Diouf. Et l'âge Diouf. Bravo. Boucar Diouf. Boucar Diouf. C'est son frère. Ouais. C'est ça. T'as nommé le mauvais. Ouais. Ouais, c'est vraiment son frère. Bon. Je pourrais avoir un demi-point. Le 4 octobre, est-ce que vous êtes capable de vous souvenir qu'est-ce qu'il y a eu? 4 octobre, il pleuvait. Ouais, en effet, il pleuvait. C'est vrai? Oui. Je sais. Un indice. Mais je vais vous dire la réponse. C'est pas un très c'est pas le réalisé d'assaut, non? Non. C'était la première manifestation qu'on a faite à Trois-Rivières cette année. Matin. Contre la hausse des droits de scolarité. C'était où? C'était dans le centre-ville de Trois-Rivières. Ah ouais? C'était un mardi. Puis il pleuvait. Il pleuvait, je me souviens. Ben, tu sais, il faisait comme gris. C'était massable. Mais c'était une belle manif. Tu me donnes bien. Tu dois. Ouais. C'était avec toutes les autres cégeps, dans le fond, autour de Québec centre. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Vous êtes rejoint au Ludoplex. C'est en plein, ça. La parole d'une bonne mémoire. Après ça, 14 octobre. Je vous l'ai dit tantôt, là. Attends, là. L'Assemblée générale? Okay. Non, OK, je vais vous le dire. Ben oui, il y avait une Assemblée générale. Non, il n'y avait pas l'Assemblée générale. Ouais. Mais, moi, bref. Hein? Je vais vous le dire, qu'est-ce qu'il y a? C'est eu l'annonce du pavillon à la vie étudiante qui allait être construit, mais que là... Dans un futur plus ou moins rapproché. Ouais, évidemment, c'est plus que moins rapproché. On s'imaginait tout ça, mais bon. On était conviés le 14 octobre. Ben oui. La vie était belle dans ce temps-là, à l'époque. Ça, là, après ça, ben, on a fini la session avec 100... Il y a eu d'autres événements vraiment cool que j'ai organisés. Puis Ouais, les meilleurs événements de tous les temps. C'est ça, puis il y a eu plein d'autres affaires. Mais bon, on passe tout de suite à la session d'hiver. Parce qu'il s'est passé plus de choses cool la session d'hiver. Mais il y a eu quand même des belles activités, d'ailleurs, que tu as organisées pour vrai. Félicitations à toi. Espérons que ça continue comme ça pour l'année prochaine. Là. Mais c'est fin. Ben, je sais. Tu veux me faire pleurer? Un vrai compliment, la part. Je vais de faire chance. Pleurer avec mon poème. Là. OK. Mais ça m'a fait vraiment plaisir d'organiser mes activités cette année. J'ai vraiment eu du fun, puis j'étais bien entourée. J'avais des super bons bénévoles. Jasmine était là pour tout le temps bien nous aider. Puis le reste du conseil d'administration aussi, puis le conseil exécutif aussi. Fait que ça a été. Ça n'a pas été difficile de travailler dans cette ambiance-là. C'était le fun. Puis les étudiants, ben, c'était super fun. Fait que c'était le fun d'organiser des choses pour eux. Bon, j'ai fini. C'est beau, c'est ouais, beau. Ouais, non, c'est ça, c'est trop. Tu remercies les étudiants, tu remercies l'équipe, tu remercies. Ben, t'es encore dans l'équipe, là. Tu vas rester là, là. Ouais, mais tu changes de poste. Change de poste, change d'équipe. Tu vas être dans le bureau avec François Landry, d'ailleurs. Ben, ouais, j'ai hâte. Chanceuse. Ben, ouais, il va me trouver peut-être un peu fatigante, mais quand je bois trop de café, mais. Il va venir nous parler de l'AGE l'année prochaine, j'ai hâte de savoir ça. Ah, on verra. On verra. Donc, 1er mai. 1er février 2012, qu'est-ce qui s'est passé? La nouvelle rectrice! Ouais! Une nouvelle rectrice, son nom étant? Nadia Gassin. Oui. OK, ensuite, 8 février. Ça faisait une semaine qu'elle était en poste? C'est un quel jour? Si je te dis le jour, tu vas savoir ce qui s'est passé. Un mercredi 10-12. Non. Non, même pas. C'est l'Assemblée générale où on a eu la demande d'Assemblée générale de grève. Ah, le 8, je m'en ai qu'on est encore au premier. L'Assemblée pour l'autre Assemblée. Ben oui. C'est vrai. Ben, c'est ça. Mais bref, on avait quand même eu une Assemblée générale. Oui. Ouais. C'est important de se le rappeler. Puis après ça, ils nous ont demandé une Assemblée générale de grève pour quelle date? Le 14 mars. Oui. Et... 18h30. Combien d'étudiants étaient présents? 2494. Elle est bonne, hein? Oui, pas pire. Je sais, je leur ai tout dit signature, code permanent et ton nom écrit en lettres lisibles, s'il te plaît. Puis combien ont suivi la règle d'écrire en lettres lisibles? Mais tous. 2494. Oui, ouais. Ensuite, 15 mars 2012. La première journée de grève? Première journée de grève. Oui. Première journée de GG. De l'histoire de l'UQTR. Fait que c'est vraiment, ça, c'est important comme date. Genre, 14-15 mars. Faut que vous en souveniez, genre, l'année prochaine, quand je vais revenir, je vais dire 14-15 mars, ce qui s'est passé, faut que vous le sachiez. OK, parfait. C'est bon? Fait que c'est important. La date que François n'aura pas retenue, ce sera 5 mars. C'est Robitaille. Ouais, ouais, je sais pas, OK. On s'en tête. Et c'est ça. Puis ça s'est terminé quand, cette GGI-là? Grève générale. Ça, une semaine plus tard. Une semaine plus tard. Vendredi le 23. Elle est bonne. C'est quoi, deux semaines plus tard? Non, c'est vendredi, elle... De longue semaine après, OK. Ouais. Ensuite, 22 mars, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, 200 000 étudiants dans les rues à Montréal. Oui. Puis un autobus de l'UQTR. Puis les élections de l'AGE, c'était pas cette semaine-là? Non, les élections de l'AGE. Ça a pris. Trouve une autre date. Je l'aurais jamais. 27, 28, 29. Dévoilement des résultats. 30. 30. Annonce du nouveau conseil exécutif. Est-ce que vous êtes capable de me nommer le nouveau conseil exécutif? Oui. Pas Jasmine, parce qu'elle va travailler avec. Non, mais Jasmine, justement. Anne-Julie okay. Durocher. À quel poste? Qu'elle voulait. Jasmine va être au secrétariat général. Toi, tu vas être aux affaires sociopolitiques. Ouais. Pascal Goulet va être au ton poste, là, quand t'as là, là ou... Mon poste étant... socio-culturel. Ouais, socio-culturel, exactement. Mm-hmm. Merci, Mathieu. J'avais comme un blé. Après ça, Malik qui revient aux communications. Ludovic comme président. François Arcan qui va être aux finances. Attends un petit peu, là. Ouais. J'essaie de. Mettons affaires académiques. Hein? Affaires académiques. Premier cycle. Mathilde Loisel-David. Oui, ben oui, certainement. Ah. Certainement. Et il manque. C'est sûr qu'il manque quelqu'un, là. Vie associative et environnement. Mathieu Roy! Oui. Hey. Mathieu Roy, ben oui, certainement. Mathieu Roy, futur chroniqueur à Assemblage Rocky, en passant. Oui, j'ai bien hâte de savoir de quoi il va parler. Ben, tu verras bien. Je vais demander. Bon. OK. Puis, il manque aussi cycle supérieur, mais on va le savoir. Supérieur, ça, il n'y en a pas, là. Pour le moment. C'est une chaîne. On va le savoir dimanche. Ça va être. Vous allez le lire, en fait. En CX, quoi? En CA. En CA. Ouais, en CA. Cool. On va le savoir dimanche. C'est ça. Après ça, ça, c'était le 30 mars qu'on a su le nouveau conseil exécutif. Le 15 avril, qu'est-ce qu'il y a eu? 15 avril, c'était la fête à ma soeur. Manifestation régionale familiale. Oui. Avec plus de 600 personnes à Trois-Rivières. Okay, c'était une belle manifestation. C'était quand la cabane à sucre? Moi, c'est ça la date importante, la cabane à sucre qu'il y a eu. un jeudi, genre 5 avril. Puis il faisait flop. C'était bon. C'était bon, hein? Après ça, 22 avril, qu'est-ce qu'il y a eu? 22 avril, ça fait 3 jours, ça, là. Jour de la Terre. Ah, oui, ouais, on a eu un autobus qui est parti de l'UQTR pour se rendre à la manifestation pour le Jour de la Terre. Et c'était? Ouais. Ouais, puis? Ben, c'était cool. Ouais. Tu sais, comme quand il y a 300 000 personnes autour de toi. Ah, c'est cool. Tu te dis qu'il y a comme quelque chose qui se passe dans le Québec, puis c'est bien le fun. Ouais, ouais. Fait que. Fantastique. Tu sais, puis c'était du monde de toutes les générations, puis c'était. Non, c'était très impressionnant, là. C'était pas une longue marche, mais c'était énormément de personnes. Que c'était bien le fun. Puis après ça, ben 1er mai 2012. Partie de fin de session! Ouais. C'est la nouvelle fin du mandat. Nouveau mandat. Vous chevauchez. Il y a une période de transition. En fait, c'est le 30. On a fini la transition. Là. OK, c'est déjà fini le camp de transition. Ah, il va y avoir un camp, oui. Okay. L'autre fin de semaine où on va finir la transition. Mais depuis, dans le fond, depuis qu'on sait que qui est élu, on est en période de transition. Ouais, c'est ça, j'imagine que t'as assez renseigné sur les dossiers qui sont en cours et puis. C'est ça. Fantastique. Écoute, t'as oublié une date, par exemple. J'étais un peu fâché, je vais me mettre les mains sur les hanches. Okay. Demain, jeudi 26, Assemblée Générale, GME, UQTR. Mais c'est vrai que c'est une date importante. Sauf que ça n'a pas rapport avec la GE. Non, je sais, mais c'est. Je pensais que t'allais dire, t'as oublié une date importante, la date où t'as commencé à la radio. Ah. C'est vrai que j'aurais pu, mais j'y ai pas pensé, j'ai pensé en faisant ma chronique là. C'est vrai? C'est quelle date? Mardi. C'était un mardi. De début de session, faudrait que je vois un calendrier puis je serais capable de te le dire. Tu dois en avoir un sur ton ordinateur. C'était la semaine après le carnaval, je pense. Non, j'ai commencé avant le carnaval. Ouais, avant le carnaval. Fait que ça serait le. Genre le 10. Pas le 10 janvier. Le 10 janvier. Le 10 janvier. Le 10 janvier. Sacrifice. Je pogne de quoi. Je pogne de quoi. Hey, écoute, bon, OK, un petit poème pour te remercier de tes services. Bon, évidemment, écoute, la qualité est un peu altérée de par le fait que j'en ai déjà écrit un et qu'il faut que j'en écrive un autre. Donc, en tout cas, c'est dur. Une troisième chronique aussi. Ouais, c'est ça. David Ferron, donc. OK. Faut voir que je m'inspire. Anjali est un animal mieux connu sous le nom de Anjali. Quand la bête boit trop de café, bien qu'il y a quelques avantages à boire du café, dont l'augmentation de vigilance à court terme, amélioration de la mémoire, diminution du temps de réaction. Mais ce n'est pas ça qu'on remarque quand tu bois trop de café, c'est ton exagération de pep qui ressort. Bref, tu as fait le tour de l'OGE et tu nous as tenu informés. Pour tout ça, on t'offre un café. Oh, merci. Wow. C'est vrai? Fait que je suis une bête qui boit trop de café. Ouais. Un petit animal. Un animal. Un animal qui boit trop de café. Bon, ben. C'est quand même sympathique. Oui, oui. Mais là, tu me dois un café. Ah, je te dois un café. Moi, j'en ai pas. J'ai oublié d'en mettre dans ma cafetière ce matin. Waouh. Puis j'en ai comme pas bu, c'était juste l'eau jaune. Mais tu l'as pas bu, là, encore, non. C'est tout le temps ça. Je l'ai plus tanné, là. Un petit peu de miel dedans. Bon. Ah, c'est-tu bon? Ouais, c'est bon. Mais tu sais, le matin, t'as-tu le goût de boire ça ou un café? T'as le goût de boire un café le matin? Un café. C'est ça. Ben, il y en a qui ont envie de boire un Gatorade, je pense. Hein? Ouais, c'est bien bon du Gatorade. Signe d'une dure veillée. Mais pas tant, c'est juste que comme j'avais juste ça dans mon réfrigérateur, fait que j'ai comme pris ce qu'il y avait. OK, mais pas tant grosse veillée. Non, pas tant, t'as quand même un peu, tu sais. Ouais, moyen. Mais pas tant, là. Pas un peu. Pas comme beaucoup, mais. Un peu. C'est ça. Mais j'ai pas conduit. Ah non, mais c'est correct. Écoute, faites attention. Mais non, c'est parfait. Je suis là matin. Hein. Mais merci, les gars. Ben, on apprécie ta présence. On a eu des beaux poèmes, mais merci d'avoir de nous avoir laissé une chance cette année. Est-ce que tu préfères les jeux de mots du gala de l'UQTR, de la GUQTR, ou les poèmes? Ben, de... pas de dons. Oh, c'est pas fin, ça. Les jeux de mots. C'est dur, hein? Les jeux de mots, merci. Je sais pas. Jasmine est jamais fine. Moi, je sais pas. Mais je pencherai vers les jeux de mots. Bon, hey! Non, mon Dieu! Mon café! Ben, il vole le dollar d'Angélie. C'était même pas une pièce, c'était deux. Deux pièces? Ben, wow, un café, ça doit coûter ça. Je peux avoir un gros café et laisser du pourboire. Non, attends un peu, il m'a donné une pièce, t'es au 10-12. Oh, vrai! Ou tu gardes ton 2 et tu m'en achètes un au 10-12 aussi, là? Ouais, garde le 2 et achète deux cafés, mec. Ouais, c'est bon ça. Pas de pourboire, c'est un bon deal. Bravo! Hey, Angélie, on te retrouve cet été à Assemblage Requis avec une nouvelle chronique. J'ai hâte d'entendre ça. Moi aussi. T'es seul. C'est ça. Non, moi j'ai très hâte. Donc, moi, je suis pas contente. Je suis plus énervée depuis que j'ai trouvé mon sujet hier. Hier, le gars, t'étais énervée, là. Oui, j'avais bu deux cafés. Oui. Elle sautillait partout, là, c'était comme... C'était l'enfer. Oui, oui, oui. On savait plus où la chercher. Donc, ça commence le 3 mai, ta chronique dans Assemblage Requis. Donc, on vous tiendra au courant et ça va être une chronique culturelle. Oui, oui. Merci, Anne-Julie. Merci à vous. Ouais. Alors, on va prendre une petite pause et puis au retour, on aura David Ferron avec sa chronique Graines de pivot. Avant ça, on écoute David Giguère. Viens que je te griffe. Viens que je te griffe. À qui ça s'adresse? C'est à vous de deviner. C'est moi l'animal. Je peux te déchirer tout nu! Non, ça, c'est un inside pour plus tard. Vous la comprendrez dans deux semaines quand vous écouterez. Pour moi. Ouais. Il y a un délai avant de comprendre ça. Monsieur, a décidé, Jasmine. J'en ai marre de te voir, de te sentir mon cœur, mon tambour. Et l'alcool qui me colle à la peau, à la semelle, tous les jours. Dans les cours de l'ESCO, c'en est trop, j'en ai marre, je te quitte pour toujours. Ma colère, mon amour, Escobar, je te griffe, tu deviens lourd. Mais moi, j'ai peur de moi, j'ai peur de vous, de ce que vous avez fait de moi. Mais toi, dentelle des désirs sans monture, j'ai envie de nous. Plus le droit de te parler, de converser, d'afficher mes humeurs. Sans effet, je me tais, à jamais je me tais, je me tue, mais moi. Oh, Au retour, la chronique Graines de pivot de David Ferron par les Rita Mitsouko à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 1. Le plan de demain à Assemblage Requis. Simon Fitzbé nous réserve une surprise dans sa chronique Phénomène. On discutera peut-être de politique avec François Landry. Et c'est notre dernière émission en direct de la saison. Alors ne la manquez pas, Assemblage Requis, demain dès 7h. C'est fou. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage, requis, en pièces. Détaché, Mathieu, Plante, François, Olivier, Marchand. Toujours à Assemblage Requis, il est 8h32 en ce mercredi 25 avril, au matin. Bon matin. Bon matin. Et mon chandail, là, c'est pas grand-papa. Mais on dirait, on a vraiment l'impression que c'est ça. J'approuve, ça y ressemble. Maintenant, c'est les deux chialeux des mopettes, tu sais, ceux qui sont tout le temps en haut au théâtre puis qui chialent contre les mopettes puis qui disent « Voyons, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi cette affaire-là? C'est normal de la main. » Tu sais, c'est eux autres, c'est dans les mopettes. Ah! Ah! Ben bon, c'est dit. Maintenant, on accueille David Ferron. Ça te va? Oui! Parce que c'est la chronique Graines de pivot. On va juste se mettre dans l'ambiance un peu, enlever notre par-dessus. Et nos bas. Détacher la ceinture. J'ai hâte que t'enlèves ton chandail de grand-papa Bi. C'est pas grand-papa Bi! Donc, bonjour, David Ferron. Bonjour, tu as l'air exaspéré aujourd'hui. Tu trouves, hein? Oui. J'ai l'air exaspéré. Certains diraient peut-être que je manque de pep. Je sais pas si c'est ton cas. Il y en a plusieurs qui disent que je manque de pep. Et toi, François, ça va bien? Ça va bien! Ouais! Mais non, je trouve, Mathieu, tu manques un peu de pep. On va mettre une toune pour te mettre dedans. C'est quoi ça? Wow! Wow, hein? Hey! Tu peux pas être de mauvaise humeur après ça, là. Non, c'est ça. C'est... Vous vous rappelez, il y a 3 semaines, vous avez parlé de l'Eurovision. Oui, le concours de chant, entre guillemets. Oui, exactement. Et ça, c'est la chanson des compétitrices russes qui vont représenter la Russie dans le concours avec cette chanson-là. C'est carré, hein? Wow! Ouais. Party for everybody, comme on dit. Le party est pogné dans le studio, là. C'est la fête pour tous. François, il danse pas. Allez. Oh, le bloc. Yeah! Juste les bras, hein. Ouh. Oh, yeah. Donc, David Ferron, oui. De quoi tu nous parles? Tu nous parles des Rita Mitsouko aujourd'hui, hein? Oui. C'est qu'elle fait, elle, dans la vie? Ben, en fait, c'est pas la Rita Mitsouko, mais les Rita Mitsouko. Oh! C'est... Oui, parce qu'ils sont deux. C'est un peu comme les Eurythmics, mais... sont francophones. En fait, ils viennent de la France. Se sont rencontrés à la fin des années 70. C'est Catherine. C'est formé de Catherine Ringer et de Fred Chichin. Fred Chichin qui est musicien, entre autres, guitariste et, en fait, Catherine Ringer qui est chanteuse, qui a suivi des cours de chant, de danse. Bref, les deux se rencontrent à la fin des années 70. Ils s'aiment. Ils décident de former un groupe, des trios. Ils voient que ça fonctionne pas. Ils aiment pas trop ça. Ils font des spectacles aussi avec également... Marcia Moreno, qui va être une danseuse qui va les accompagner, mais ils se rendent compte que finalement, à deux, ils sont tellement bien. Donc, ils commencent à faire au début des années 80 des spectacles. Fred Chichin amène ses bords d'enregistrement. Ils essayent, ils bidouillent des trucs avec leur anorak fluo. Bref, ils ne sont pas tout de suite remarqués, mais peu à peu, les gens les remarquent. Et là, malheureusement, leur ami, en fait, Marcia Moreno, avec qui ils faisaient des spectacles ensemble, meurt d'un cancer. Non. Oui. Je suis désolé. C'est plate, ça. Elle va l'air super sympathique en plus, mais malheureusement, elle est morte. D'où d'ailleurs, vous savez tous, c'est quoi Marcia Baila? Oui, la chanson Marcia Baila. Mais justement, c'est un hommage à Marcia Moreno, justement. Ah, c'est leur chanson la plus connue des Rita Mitsouko, je pense. Ben oui, exactement. Ça s'est vendu justement à 1 million de copies. Ça a été en France la chanson la plus diffusée en France. Même encore, je crois que c'est encore la chanson la plus diffusée francophone de tous les temps. Ah ouais. C'est une chanson, mais ils ont fait autre chose aussi. Là. Ils n'ont pas juste fait ça. C'est ce que je vais vous expliquer dans ma chronique. En fait, ils se rencontrent, ils font des spectacles. Et là, il y a un producteur de Virgin qui dit « Ah, je vous aime bien. » Ils font un espèce de petit maxi, entre autres. Dans ce maxi-là, il y a Dans cette chanson-là, il y a des chansons qui ne fonctionnent pas. C'est un flop. Virgin sont à deux doigts de les renvoyer, mais il y a le directeur musical qui dit « On vous prend pareil. » Ils font leur premier album qui s'appelle simplement « L'Iritamitsuku ». Et là, ça ne fonctionne pas jusqu'à temps que juste Marcia Baila soit lancée, que ça devienne un hit. Et ça les met sur la carte des grandes stars françaises. Et là, ils font de l'argent. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, parlant d'argent, c'est des gens qui sont pas trop rattachés à l'argent. Ils ont plusieurs multinationales qui leur ont proposé de faire des pubs. Ils ont dit « Non, on veut pas de votre argent. » On veut rien savoir. C'est respectable. Oui, parce que c'est tellement des gens qui sont jaloux de leur création parce qu'en fait, ils créent tout d'eux-mêmes. En fait, au début, c'est sûr qu'il y avait des producteurs et tout, mais maintenant, c'est eux qui ont la machine de leur chanson. C'est eux qui décident de tout, des droits d'auteur et tout. C'est le fun, ça. Oui, ils sont très jaloux de leur possession. Donc, ils sortent leur premier album, Iritamitsuku, et là, ils sortent un deuxième album 2 ans plus tard qui s'appelle le No Comprendo. Tono Comprendo album qui est considéré comme leur chef-d'œuvre. Ce qui est un petit peu comme souvent on dit. En fait, Beatles, parce qu'ils ont plusieurs chefs-d'œuvre. C'est un petit peu dur de comparer, mais en tout cas, c'est un chef-d'œuvre. C'est rendu dans les top 30 des meilleurs disques français, etc., etc. Et dans ça, on a Andy, qui est encore un hit également. C'est comme ça aussi, les histoires d'A. Également, et ça a été réalisé en fait par Tony Visconti qui a réalisé des albums pour David Bowie, notamment T-Rex aussi. Bref, c'est un producteur vraiment réputé. Quand il a écouté l'Iritamitsuku, il a fait « Mais voyons, il y a des Français qui sont capables de le faire à l'anglaise ou à l'américaine. Je veux produire pour eux. » Et ce qu'il a fait avec Tono Comprendo. Et en fait, il y a aussi 1988. Là, ça va bien, leur carrière est décollée, ils font des tournées. En fait, leur troisième album, qui est également tourné par aussi Tony Visconti. Mais pour moi, Marc et Robert, qui est leur troisième album, c'est un peu, je te dirais, le Yellow Submarine des Beatles. Okay. Si on dit Yellow Submarine des Beatles, c'est comme dans leur moins bon. Leur plus faible. Oui, Marc et Robert. Pourquoi? Quelqu'un qui écouterait la musique dirait « Hey, wow, c'est beau, c'est plein de créativité, les Iritamitsuku, c'est super bon. » Sauf que pour du Iritamitsuku, c'est pas digne d'Iritamitsuku, à mon avis, mais c'est seulement mon avis personnel à moi. Tu conseillerais pas de commencer par celui-là si tu veux commencer à aimer leur musique, mettons? Ben, peut-être, ça dépend, parce que c'est un de leurs albums les plus accessibles. Donc, si tu veux commencer, commence par là. Mais okay. Parce qu'on dirait qu'il y a tellement de sons, de stéréotypes des années 80 qui sont là-dedans. Et Kit, c'est vraiment la chanson des années 80. C'est trop stéréotypé. C'est cliché un peu. Là. Oui, puis là, ils font une collaboration avec Sparks, qui est en fait un duo de frères musiciens anglophones qui ont eu des succès dans les années 70. Même la voix, ça fait trop penser aux chanteurs de Tokyo, puis tous les chanteurs qu'on entendait dans les années 80 qui avaient une espèce de voix un peu pleurnichard, déprimante. Ouais. Là. Grunge. Oui, ben non, un petit peu avant, c'est comme Alterno, Tokyo, dans ce type-là, un petit peu comme... OK. Mais, par contre, il y a une chanson que je voudrais vous faire connaître. C'est pas Marcia Baila, mais ça s'appelle Nuit d'ivresse. Nuit d'ivresse, c'est dans leur album Tono Comprendo album, et c'est une chanson qui a été écrite, en fait, pour le film Nuit d'ivresse, avec Thierry Lhermitte et Josiane Balasco, et qu'on va écouter un extrait. Yeah. quand même, comme vous voyez, c'est un groupe, en fait, c'est eux qui composent les chansons, les paroles, tout, ils font tout. Et d'ailleurs, les gens disent, bien, dans vos albums, on voit Chichin Ringer, il n'y a pas, par exemple, auteur Fred Chichin, compositeur Catherine Ringer, pourquoi c'est pas réparti comme ça? Eh bien, le couple, il dit, nous, on travaille ensemble. Ça se peut que des fois, moi, j'écrive plus de chansons, Catherine plus de musique. Ça se peut que des fois, moi, je fais tout. Ça se peut que Catherine, dans une autre chanson, elle fasse tout. Alors, on a un couple, on partage le budget, donc on met tout simplement Ringer, Chichin, aussi simple que ça. C'est un beau couple, hein? Ce serait le fun si la vie serait aussi simple que ça, hein? On ne peut qu'espérer. Eh oui. Bon, en même temps, c'est tout le temps plus vert chez le voisin, tu sais. Ouais. Si on faisait ça, on voudrait avoir la vie de quelqu'un d'autre. Ben oui, c'est ça. Mais celle des Ritamiscou, par exemple... Comme genre? Exactement. Ouais. Alors là, ce qu'on vient tout juste d'entendre, c'est Nuit d'ivresse des Ritamiscou qui apparaît souvent sur l'album Tonneau Comprendo, leur deuxième album tiré, sorti en 86. Là, ils ont sorti Marc et Robert en 88. Ils font des petites tournées, ils prennent un petit break, ils sortent un album de remix qui s'appelle Re, notamment remixé par William Orbit et d'autres réalisateurs très réputés au niveau du remixage de chansons. Et là, ils ont des enfants, ils les élèvent, ils négligent pas. Ils ont l'air à les aimer, en tout cas, d'après ce que j'ai lu. Donc, ça va bien là-dessus. Et là, ils se disent, ah, ben, on aimerait ça refaire un album. Alors là, ils appellent encore Tony Visconti, mais là, ils se rendent compte que ce que Visconti leur propose, ça les fait pas leur affaire. Donc là, ils commencent avec Visconti, mais là, ils veulent commencer leur propre truc. Donc là, ça va prendre quasiment un an à faire leur album qui s'appelle The System D. System D, il y a eu beaucoup de grosses attentes parce qu'il n'y avait pas d'album entre 88 et 93. Il y a eu l'album de remix, mais il n'y a pas eu d'album original. Donc, 5 ans d'attente. Ouais. Il y a certaines personnes qui disent « Hey, wow, c'est super bon! » Puis d'autres qui disent « Ah, ben, on est déçus. » Donc, ça a eu des ventes correctes. Ça n'a pas été leur gros... En fait, les ventes best-sellers, c'est derrière eux. Mais... ils ont quand même une belle réputation. Il y a même Iggy Pop qui chante une chanson dans le The System D. Entre autres, ça s'appelle la chanson, ça s'appelle My Love Is Bad, mais c'est pas ça du tout compte. Non, ça c'est ton fond. Ah, ton fond, okay. Super, non, inquiétez-vous fond. Pas. La tune avec Iggy Pop, c'est pas aussi quétaine. Non. Inquiétez-vous pas. Et donc, ça s'appelle comme ça. Il y a aussi Y'a de la haine et Les Amants, qui est à mon avis une des plus grandes chansons d'amour de tous les temps. Donc, je l'ai pas emmené parce qu'on n'a pas le temps de tout écouter, malheureusement. Mais, en fait, là, ils font des tournées, ça va encore bien. Et là, en 96, il y a la chaîne M6 qui leur dit « Ça serait bien que vous fassiez une chanson... » Ben, en fait, un disque de chansons acoustiques. Donc, ils enregistrent des chansons acoustiques venant de leur plus grand succès. Et il y a une nouvelle chanson qui s'appelle « Riche » avec Doc Génico. Connaissez-vous Doc Génico? Non. Moi, ça me dirait. En fait, c'est un rappeur qui a eu un très grand succès à la fin des années 90, à la fin également, ben, début de la décennie 2000. Et ils font un duo avec Doc Génico qui s'appelle Riche, qu'on va pouvoir entendre, qui est tiré de l'album Les Acoustiques. Je suis riche, j'ai assez d'argent. Je suis riche depuis 10 ans. Grâce aux bénéfices qu'on a fait en chantant. Grâce à l'artiche qu'ont dépensé les gens. Je paye des impôts plein pot. Aussi pour les hôpitaux. Je suis riche. Hey, si j'étais chérie, ma chérie, ma maladie, ma love story. Une bague au doigt et je t'emmène à la mairie. Si tu me suis pas, je me fais haraki riche. Quand je serai riche, à 60%, il y aura de la thune même pour mes petits-enfants. Ah, si j'étais riche. J'ai refait mes ratiches et je roule en merceau. Quand je filais ton fiche. Quand je filais ton fiche, je fais au McDo. Oui, oui. Et oui, ce qu'on vient d'entendre, c'est Riche avec Doc Génico. D'ailleurs, petite parenthèse pour parler de Doc Génico qui, malheureusement, maintenant a de la misère. Ça a l'air qu'en 2010, il aurait réclamé du chômage. Il aurait voté pour Sarkozy, d'ailleurs. Donc, le traître, hein? Et que veux-tu? Nicolas Sarkozy, des fois. Mais en fait, d'ailleurs, concernant la collaboration avec Doc Génico, Fred Chichin s'est montré très virulent par la suite. Pas envers Doc Génico, précisément, mais envers les rappeurs. Parce que quand Fred Chichin, à la fin de la décennie 2000, il a dit « Regardez, le rap, ça... » Excusez-moi de l'expression, mais il dit pas comme ça, mais ça veut dire ça. Ils ont scrappé la musique française. Le rap, ben, c'était oui, une horreur. Okay. Ça a été vraiment... Dans les années 90, on a essayé de faire plein de mélanges pour montrer à quel point on est ouvert, à quel point. Mais ça n'a pas toujours été des réussites. Et malheureusement, la culture rap, qu'est-ce qui arrive, c'est que... Ce que Fred Chichin dit, c'est que les rappeurs sont tous là pour l'argent. Parce que Fred Chichin et Catherine Ringer ont travaillé pendant 2 mois avec une quarantaine de rappeurs et ça a l'air qu'ils n'ont pas trop aimé leur expérience. Je peux comprendre qu'à la limite, t'aimes pas le rap. Ça, je peux comprendre. Mais de là à dire que c'est une nuisance, c'est plus que... Ben là, en même temps. C'est la vie personnelle de Fred Chichin. Ça, je la partage pas nécessairement non plus, mais lui... Je la partage pas. Non plus. Il dit que c'est ça, le rap, malheureusement, ça n'a pas amené des bonnes choses pour la musique francophone, selon Fred Chichin. Il y aurait bien des choses à dire contre cet argument-là, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On parle d'Irita Mitsuko oui. avec David Ferron dans sa chronique Graines de pivot à Assemblage Rock. Yeah! Et il y a tellement, parce qu'il y a tellement de bonnes choses à dire sur Irita Mitsuko. Donc là, 93 System D, 96 Les Acoustiques. Entre-temps, ils font des tournées aussi. Et là, ils font des spectacles et là, ils prennent leur temps pour produire l'album qui s'en vient. C'est-à-dire que là, ils s'arrangent, font des petits spectacles intimistes pour avoir l'impression des spectateurs, ils font du bédouillage, parce que le groupe veut trouver des nouveaux sons, ils veulent vraiment innover, ils veulent pas... stagner, ils veulent pas rester dans le même... Non, donc là, les Irita Mitsuko vont sortir Cool Frenzy, qui est à mon avis leur meilleur album, mais ça, c'est un avis personnel. Parce que ça mélange du trip-hop, ça mélange des années 90, ça intègre les années 2000 de manière très habile. Il y a des chansons aussi plus tranquilles, plus pop, plus énergiques, plus rock. Bref, c'est un... Moi, je trouve que c'est leur album, leur meilleur album. Cool Frenzy, là-dedans, on a justement la chanson Cool Frenzy, notamment, on a aussi... des chansons comme Femme de Moyen Âge, La Sorcière et l'Inquisiteur qui sont dans leur compilation qui sort en 2001. C'est vraiment, à mon avis, si vous vraiment vous êtes quelqu'un qui acceptait de rentrer dans l'univers d'Irita Mitsuko avec les envolées lyriques de Catherine Ringer, les bidouillages de Fred Chichin, prenez-vous-le avec Tonneau Comprendo, vous allez être heureux. Parfait. Et donc, là, pendant ce temps-là, ils font encore des tournées, mais aussi... En 2002, déjà, là, ils ont pris 7 ans à sortir The System D et Cool Frenzy. Et là, La Femme Trombone sort en 2002, donc seulement 2 ans. Qui est là, vraiment, on commence à sentir les préoccupations personnelles de Catherine Ringer concernant la société de consommation par rapport à la vieillesse, la vie de couple. Bref, aussi au niveau de la musique, ça commence à être plus tranquille. Oui, il y a le côté, on veut mettre tout, on veut mettre du funk, on veut mettre du rock. Mais là, on les sent plus tranquilles, plus posés. Donc là, La Femme Trombone, à mon avis, qui est pas nécessairement, contrairement à Cool Frenzy, que là, c'est waouh, La Femme Trombone, ça s'écoute bien. Si, mettons, vous voulez commencer à écouter les Irita Mitsuko, ouais. Mettons, Marc et Robert, puis La Femme Trombone. C'est un très bon album, La Femme Trombone, mais on sent que là, il commence à être plus tranquille, les vieilles, et ils commencent à faire comme, OK, ben, c'est bien d'essayer, mais on aimerait ça être plus tranquille. D'ailleurs, leur spectacle, où ce que dans les années 80, ça causait du scandale parce que Catherine Ringer sautait partout, se collait sur tout le monde, et là, on la voit plus tranquille. Donc, okay. C'est l'album de la maturité, si je peux dire ça comme ça. Donc là, Fred Chichin, entre-temps, attrape l'hépatite C. Donc, il est malade pendant 2 ans. Ça retarde leur projet. Mais il y a un album qui est pas très connu au Québec, mais qui est sorti en France, qui s'appelle l'album enregistrement avec l'orchestre L'Amoureux, qui est en fait un réenregistrement de concerts de leurs chansons, mais aussi de chansons de Charles Trenet. Ils ont même pris un poème de Charles Baudelaire aussi. Il y a même une chanson... voyons aussi de Charles Trenet, de Léo Ferré. Bref, c'est vraiment... Si vous voulez vraiment écouter la voix de Catherine Ringer et écouter la musique en tant que telle, c'est l'album idéal, mais sur Groove Shark, ils l'ont. OK, Groove Shark, là, sur grooveshark.com, on tape Irita Mitsuko, L'Amoureux, quelque chose du genre, et puis on tombe sur la bande. En fait, l'album du concert, L'Amoureux. En fait, le nom de l'orchestre, c'est l'orchestre L'Amoureux. Ah, OK. Exactement. Et là, ils vont sortir leur dernier album en 2007 qui s'appelle Variety. En fait, il y a variété avec un E accent aigu et variété pas de E accent aigu. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait deux versions. Une version avec des chansons beaucoup davantage francophones et une autre album destiné au marché européen et même international qui est composé d'albums anglophones. Et dans les deux albums, on trouve une chanson avec Serge Tarkian qui s'appelle Terminal Beauty qu'on va pouvoir écouter. Donc, oui. L'Irtamiscou avec Serge Tarkian de System of the Dawn. Terminal Beauty avec l'Irtamiscou en collaboration avec Serge Tarkian qui est le chanteur de System of a Down. Et en fait, la chanson, ça parlait des maigrichons que Catherine Ringer se disait, mais c'est aberrant de voir autant de maigrichons. Puis elle a dit, quand je vois les mannequins et leur visage triste, ça me rend triste à mon tour. C'est vrai. C'est très cool, ça sonne très bien. J'ai bien aimé cette pièce-là. Puis il y a même la version francophone, mais la version francophone n'a pas la participation de Serge Tarkian. Il n'a même pas réussi à... Il aurait pu se forcer, ouais. Ça aurait été sûrement super mauvais, mais bon. Oui, alors que pourtant, Iggy Pop chante en français, donc je ne sais pas pourquoi... Tout à fait. Les Serge Tarkian, mais bon, on a une bonne chanson. Oui. Donc là, ils sortent Variety 2007. Là, ils font une tournée partout en Europe, Allemagne, Suisse. Et là, 2007, un gros drame. Fred Chichin a le cancer et c'est foudroyant. En quelques semaines, il en meurt. C'est un cancer généralisé foudroyant. Donc, tu as eu un cancer avec une personne au début, tu as eu un hépatite C, puis le cancer, puis Caroline, ça n'arrête pas, ça? Non, et pourtant, il trouve tout le temps le moyen de... En fait, de diffuser des chansons joyeuses, comme un peu les colocs, ils parlaient des sujets graves comme le sida, la drogue, sous des airs joyeux, bien l'Irta Misco, c'est la même chose. Par exemple, une chanson que j'avais pas mentionnée, mais Le Petit Train, qui est en fait inspiré d'une chanson pour enfants, et là, c'est devenu en fait une chanson sur la déportation. Ah. Et là, si vous voyez le clip, c'est, ça a l'air joyeux, c'est Bollywood avec les costumes, les danses et tout ça, tout le monde a l'air joyeux, mais ça parle de déportation des Juifs. Parce qu'en fait, le père de Catherine Chéchin, c'est un peintre juif qui a été déporté. Il a survécu heureusement, mais justement, Catherine Ringer va parler encore de son père qui a été déporté dans une autre de ses chansons qui s'appelle « C'est un homme ». Et là, donc, Fred Chéchin meurt d'un cancer. Catherine Ringer, c'est le drame parce que c'était son mari aussi, son pas seulement son compagnon musical, mais son mari. Donc, par contre, elle continue à faire la tournée qu'a amorcée. Et là, il va avoir une tournée également qui s'appelle « Catherine Ringer sings Territa Misco and More ». Et là, Catherine Ringer a lancé un album qui s'appelle Rig and Roll, qui n'a pas un gros succès, mais qui a un succès d'estime. Donc, Catherine Ringer continue à rouler sa bosse. Elle joue parfois des chansons d'Irita Miscou comme Andy en spectacle et la chanson, évidemment, qu'on va terminer la chronique. Ça s'appelle Marcia Baila. On en avait parlé au début de la chronique. C'est leur plus grand succès d'Irita Mitsuko. Et oui, d'ailleurs, il y avait en fait Justine Lafrance qui m'avait demandé qu'on puisse juste jouer cette chanson-là. Donc, merci à Baila, c'est pour Justine. Vos désirs sont des ordres dans Graines de Pivot, Assemblage Rocky. Ben, merci beaucoup, les gars. Merci à toi, David. Merci. On n'a pas l'habitude d'entendre. Ça achève, ça achève. C'est Marcia Baila d'Erita Mitsuko. Et ça, puis la chanson des Russes, là, ça fait la journée de tout le monde. Ben, tellement, tellement. C'est, on a passé un bon moment à écouter ça pour ta chronique Graine de Pivot. Hey, avant de se quitter, David, je pense que François veut te remercier pour ta présence avec un petit poème. Avec des mots. Ah! Et ça va comme suit, OK. David Ferron. Tu me diras quand brailler. Ouais, écoute, tu peux commencer. Ouais, comment? Okay. David Ferron, quoi dire de cet homme qui est arrivé un peu tard dans la session? Tes sujets toujours diversifiés se sont avérés d'agréables surprises à nos oreilles. Sachant que je me demande sincèrement, mais d'où vient toute cette énergie? David Ferron, nous te remercions. Je suis ému. C'est beau, hein? Ça, oui. Ça quand même simple, là, on dirait que mon manque de jus. Ouais, manque de jus un peu. Ouais, puis ça avec le chandail de Grand Papabi de Mathieu Plante, là. C'est ça les, fait ta journée. C'est les vieux dans les mopettes. Bon. OK. Colin. Ben non. C'est vrai, Grand Papabi et son chum et son mari, je pense. L'as-tu commandé sur Internet, là? Non, Walmart. Ah. Ouais, ça arrive. Il est beau quand même. Merci. Qui c'est, Mathieu? Entre autres. Entre autres. Oh, ah, c'est flatteur. Charles, c'est flatteur. Bon, ben, je vais vous laisser. Barre la porte. David Ferron, tu vas être avec nous tout l'été? Oui, en fait, je vais continuer Graine de Pivot, mais là, avec ma chronique cet été, je vais davantage m'en aller un petit peu plus partout dans la francophonie parce que là, je me suis trouvé très franco-centriste, belgo-centriste, euro-centriste. T'as fait 4 chroniques, mais bon, c'est pas grave. Oui, ben, c'est très centriste. C'est très centriste. Ben, en fait, sur l'Europe, mais là, j'aimerais ça voyager en Afrique. Oui. Si je suis capable, en Asie, si je suis capable de trouver quoi de francophone en Asie, ça serait bien. À Louisiane? Vous êtes où? Oui, aussi, pourquoi pas? Ben oui, bonne idée. C'est un défi comme ça. Manitoba, je pense. Manitoba. Les franco-ontariens aussi. Ben oui, les franco-ontariens, les franco-manitobains, partout au Canada. T'as mis une Robitaille? Ben oui, aussi. Hein, tu peux en parler ben un peu? Ben oui. Ben voyons, pourquoi tu n'as pas parlé? Hey! Ben pourquoi? Je vais le faire cet été, je te le promets. Promis, juré, craché. Ça va être dans la vie de croisière d'assemblage requis les jeudis entre 13h et 17h. Ta chronique Graine de Pivot vers le début de l'émission. On s'entend là-dessus à peu près. Parce que tu vas animer juste avant ton émission à toi, La langue dans ton oreille. Oui. Fait que tu vas rester en studio. Ben oui. Super. À partir de midi, les jeudis. Exactement, oui. Puis on va continuer à diffuser de la musique francophone de partout dans le monde. Puis aussi, on va essayer de s'intéresser à l'activité, l'actualité francophone, que ce soit au niveau politique, culturel, économique. Bref, ça va être un beau panorama sur la francophonie mondiale avec la langue dans ton oreille. Les jeudis à midi avec David Ferron. Merci beaucoup, David. Génial! Ben, en tout cas, un gros merci, les gars. J'ai pas écrit de poème pour vous parce que j'y ai pas pensé, mais... Puis on se revoit pareil. Fait que, t'sais, on se quitte pas, là. Mais merci. Tu t'enverras pas de l'été, c'est pour ça qu'il dit ben, ah, ben, non, ben non. François, un gros merci de m'avoir accueilli. Check moi, on va savoir plus souvent, tu penses. Ah. Oh, ça a l'air. Hein? François, je t'apprécie. On va des plaintes. Des plaintes? Je sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Hein? On va se voir plus souvent que prévu. Hein? Ouais. Hein? J'ai bien aimé. Parce que, parce que de toute façon, écoute, tu vas venir ici, je vais venir ici, donc on va se croiser, c'est sûr. Oh, ça va venir. Ok. Bravo. Et je pense que c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se quitte. On se retrouve demain matin entre 7h et 9h avec une autre nouvelle édition et la dernière de la session pour Assemblage Requis. On aura Simon Fitzbé, sa chronique Phénomène, qui nous réserve des surprises apparemment, un peu comme l'année passée. Il va peut-être parler de nous un petit peu là-dedans, François. J'ai hâte de voir ça. C'était très bon l'année dernière. C'était excellent. Ensuite, on aura François Landry et sa chronique politique. Et on va aussi avoir la chronique Geeks. Alex, c'est dans Assemblage Rocky demain dès 7h. Restez à l'écoute pour le dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, plein d'autres choses, d'autres émissions et un paquet de variétés musicales et d'émissions en rediffusion toute l'après-midi jusqu'à tard en soirée où il y aura peut-être de l'électronique. On verra bien. Allez voir sur assemblagerocky.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte avec une pièce de... pourquoi pas, si... Ah! François, mon François. Mathieu. Tu connais Half Moon Run? Hey, je connais ça. La pièce Full Circle? Ça, je connais ça. C'est bon, ça? C'est pour ça que t'as fait jouer? Ben là, à un moment donné, je me suis dit, on va essayer de mettre de la qualité dans cette émission-là, hein, David? Non, c'est pas vrai. Je blague. Full Circle, Half Moon Run. C'est François qui fait des pins, mais il faut bien les dire. Moi aussi, je peux faire des pins. Hein? Non? Pas sur moi. Pas sur toi? Pas de pins? Ouais. Excuse-moi. Je suis sorti de mes parents. Hey, à demain. Bye. At first, a sharpish pain that returns as a thought. That the needle in your skin will bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle. I'm hopeless with no coffee and a medical text. It's too easy knowing nothing going off the rest. And the riddles and the pages leave it too much to guess. And the worry cracks and fracture from your hip to your chest as I watch. As your hand turns full circle. Your head turns full circle.